Fais que danser, danser, danser. J'fais que danser, danser, danser. Et t'as la zig, mon sang. Toujours ça me donne des nausées. C'est ainsi, c'est pas trop ça. Des fois, j'sais plus à qui causer. Ma baby, ma rosa. Dans la suite, on est posé. Que c'est des bâtards si font ça. Faire comme si même pas on se connaissait. C'est ma baby, ma rosa. Dans la suite, on est posé. Que c'est des bâtards si font ça. Faire comme si même pas on se connaissait. J'fais que danser, danser, danser. Penser, penser, penser. Ah, je vais tout casser. Me casse pas les couilles aussi. J'ai que la tête à poser. On déguste la musique. J'vais atteindre le paradis. Et avec tout ce que j'aimais, oh. J'ai devenu tout gay, ça m'a dit. Ça m'a rendu peiné. Je suis endormi sur la série. J'ai fumé le petit mami KO. Je vais vite comme Lurus Montsori. Comme Raphaël Léao. Parano comme Charlie Mattei. Parce que je fais des mappés. Je pense à changer de pays. Ce qui se passe ici, c'est pas très beau. Je fais que danser, danser, danser. Penser, penser, penser. J'fais que danser. J'fais que danser.